une surprise. Yes, salut tout le monde, c'est Tortoli et Herbatax. Tous les mardis, 18h-19h, Radio Panique 105.4. Herbatax, ça va? Non, je t'entends pas, il va falloir que tu montes quelque chose. Peut-être que tu montes le volume de ton micro. Vous écoutez Radio Panique, c'est Tortoli et Herbatax. On va vous passer du bon son comme d'habitude, un peu... Un peu, comment dire, cette semaine, mon petit Herbatax. Oui, on t'attend. C'est beau. Tu veux pas parler avec moi? D'accord, très bien. Il y aura comme d'habitude un petit agenda culturel. On a commencé par un petit générique un peu sympathique. C'était la Terre promise. On va vous enchaîner juste derrière, si Herbatax le veut bien. Et s'il a envie de me parler, j'ai toujours pas l'impression qu'il veut me parler. Tant pis, tu veux pas? Ok. On va se faire un petit Broken Bells. Parfait. C'est la brand new, c'est la brand nouveauté de la semaine. Voilà, on t'entend toujours pas. Si tu veux parler, tu parles à qui? Il parle à son CD. Très bien. Voilà, Broken Bells suivi de Naive New Beater juste derrière. Broken Bells, un projet notamment mené par notre ami Danger Mouse qui a aussi participé aux albums de Gorillaz, à Blur. The Good, The Bad and The Queen, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Herbatax, tu nous envoies ça? Oui, on t'entend. Yeah. Ah, il a trouvé le volume. Take a one, two. Très bien. Yes, man. Broken Bells, c'est parti. Collected at the borderline, and they want to get up in your head. Cause they know. structures facing decision. Good self in the vision. Why for work is life worth it? Why should I deny just force it? Because it's absurd, vacations and suburbs. My skin's beating, banging cause no sleeping. Shit, I'm cheating. Understand and forgive. One gave hand, others believe and achieve. Know your justification. Trust is also my position. Bust is not enough prediction. Harassed, enjoy the song without fun. I can't choose. It's too hard when mine's a bit. Dida, dida, should be the sky. Bucket market, magic carpet works good. Besting my friend, my dude. What? Cut yourself a seat in first class. Promise it was the last. At least fasten your bed and get a beer glass. Okay, let's talk later. All I do, lately is pay. I've been explaining, I don't have that much money. I know I drop a limo, could buy myself a car, come to my bro's a doctor, talk with me, get exposure. Twice, dice and frozen ice. Making my life a pain. Baby, can you stop to complain? Too bad I'm not your dad, although you should be glad and not sad. I know you're too good to say. Honey, please, can we just stay? You're addicted to 8 day. Made it cause I don't do it this way. Finally got me to be perfectly touristy. $1,000 biggie. This is a souvenir from Los Angeles City. I can't choose. It's too hard. Yes. Please. Love me. Salut Herbatax, t'es de retour. Salut Tortoli. Oh là là, je t'avais perdu, t'étais où? Ah, j'étais dans le bus. Carnet de correspondance. C'est les transports même. Merci qu'est-ce... d'avoir fait croire que j'étais là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vous étiez où, monsieur? À l'arrière du bus, je te dis. Mais à faire quoi? Bah, à faire des trucs sur les vitres et tout avec une clé. Ah oh là, mais des tags. Ah, t'étais déjà en train de préparer ton agenda culturel, j'ai l'impression. Bah voilà. Qui viendra bientôt. Dernière minute. J'ai impatience. Donc on est bien le mardi. Donc c'est un peu mon début d'émission, même si apparemment elle a déjà commencé sans moi. Mardi 18 mai. Vous êtes sur Tortoli Arbatax, Radio Panique. C'est la Saint-Éric. Bonne fête à tous les Éric. Salut Rick. Et le 18 mai, d'ailleurs, c'est l'anniversaire de Bernadette Chirac, figure-toi. Tortoli. Très bien, merci pour ces infos essentielles. L'anniversaire de Éric Cantona. En c'est bon que ça aussi. Fête. Bah, c'est génial. Et nous sommes le 138e jour de l'année. Voilà, et autrement, qu'est-ce qu'on vient d'écouter juste avant? Naive New Beaters. Et ça s'appelait comment? Kent Shoes. Kent Shoes, comme les chaussures. C'est ça. C'est ok, ça. Très bien. Et là, qu'est-ce qu'on va s'écouter? The BPA. BPA, yeah, featuring c'est le groupe qui s'accompagne, qui se sont alloués les services de David Byrne et Dizzy Rascal. Alloué. Pour leur morceau Toe Jam. Toe. T'es hur, t'es coupe. Toe Jam. Voilà, donc ça, ce sera le prochain morceau. Et puis, peut-être qu'on le suivra de The Scatalites, à moins qu'on vienne couper le... couper la. Je sais pas. Tendance avant. Je suis dans une ambiance bien love là avec ce son derrière. Ah vas-y monte-nous un peu ça, vas-y ouais. Yes, tout de suite The BPA featuring David Byrne et Dizzy Rascal. Le titre c'est Toe Jam. I was asked in New York City, do you like my clothes? I'm talking to my tape recorder, walking down the road. But on Friday night I'm glorified, now my feet don't touch the floor. When the rubber meets the road, in between my toes. Watch my life like it's a movie, had to watch it twice. A boy looks at a girl, and a girl looks like a pony. She gallops all day long, in between my toes. And every night she's purified, she don't do that dance no more. On the dance floor, I'm drunk off that Hennessy. I ain't sober, I don't mix with Coca-Cola or soda. But right now I'm on a roller, I take a look over my shoulder, and I see this sexy thing, I think it's time to work my way over. So I shuffle on my heels, and I bounce on my toes. I'm crazy and she knows, still it's all good I suppose. So she didn't complain, she backed it up. So I got behind her and I lapped it up. Then we danced all night till the sun came up. Then I took her to my yard and I racked it up. A member of the Juju Nation, down in New Orleans. You don't need an application if you move your feet. Explode if you poke it. Exposed on the floor. It grows if you soak it. It rolls out the door. Now it's summertime every night. Now her feet don't touch the floor. She don't do that dance no more. In between my toes. The lady starts to sing, but she ain't no disco dancer. She learned to shake a thing in between my toes. Explode if you poke it. Exposed on the floor. It grows if you soak it. It rolls out the door. Explode if you poke it. Exposed on the floor. It grows if you soak it. It rolls out the door. C'est le retour des cowboys. Salut. Oh. Voilà, salut, c'était très The BPA. Toe Jam, le morceau featuring David Byrne et Dizzy Rascal. Je t'ai mis une petite musique un petit peu lente et tout. Mais c'est à toi de t'accommoder. Hein. Ah bah attends, fais à ton rythme. Hein. Fais à ton rythme. Okay. On voulait vous parler d'une petite spéciale qu'on est en train de préparer pour la semaine prochaine, me dis-tu, Arbatax. Exactement, c'est là-dessus que je veux te lancer. La semaine prochaine, on va accueillir un. Comment dire, je sais même pas comment définir cette chose. Des guests, des invités, mais des c'est déjà même des mots trop propres. Un collectif. Des larrons, des squatteurs, des. Voilà. Des gens qui traînent. Bon, en tout cas, c'est la première fois qu'on a des invités, Tortoli. Qu'on aura des invités, bien ouais. Sûr, ouais. Ça va être une grande première. Mais voilà. Donc, ils nous ont. Vu que ce sont des garçons très bien élevés et qu'ils sont à la fois besogneux et laborieux, voilà. Ils nous ont préparé. Un petit teaser, comme on dit, ou un... Un trailer. Un jogging. De quoi s'échauffer avant la partie finale la semaine prochaine. Voilà, donc on est obligé de le passer, à notre grand regret, mais... On va vous le mettre une fois, voire deux fois, si on reçoit des coups de téléphone d'ici là. Les Fume ta moustache annoncent leur venue chez Tortoli Arbatax. Refume ta moustache. Ta moustache. C'est quoi, refume ta moustache, c'est quoi? C'est un collectif qui vient chez Tortoli et Arbatax. Mardi prochain 25 de 18 à 19h sur Radio Panique. Radio Panique 105.4. Et pour les abonnés, c'est quoi? C'est Internet. Internet et pied-poil. Et pied-poil sur Internet. Sur Internet. International, sur Internet. Radio Panique. Pied-poil. Offre valable en magasin, hors coût du SMS, à compter du 25 mai de 18 à 19h, renseignement au 3602. Merci les gars. Merci les gars, bien excité dis donc hein, ces petits là. Hein ? Vivement la semaine prochaine. Tout de suite c'est quoi ? The Scatterlights avec When I Fall In Love. Magnifique. When I fall in love, it will be forever, 'cause I'll never ever fall in love again. When I fall in love, there will be no other, only you and me in this whole wide world. If I should fall in love again, to me it would be a pleasure, if it don't take all my leisures away. When I fall in love, there will be no other, 'cause I'll never ever fall in love again. C'est le coup de Le coup de cœur de Tortoli et Arbatax. Beef is not what Jay said to Nas. Beef is when the working folks can't find jobs, so they tryna find niggas to rob, tryna find bigger guns for them to finish the job. Beef is when the crack babies can't find moms, 'cause they in a pine box, I lock behind bars. Beef ain't the summer jam for Hot 97. Beef is the cocaine and AIDS epidemic. Beef don't come with a radio edit. Beef is when the judge is calling you defendant. Beef, it come with a long jail sentence, handed down to you in a few short minutes. Most definitely. niggas when your girl come through for a visit. To tell you how she pregnant, buy some of a nigga. Beavis high blood pressure and bad credit. Need a loan for your home, but you're too broke to get it. And all your little kids doing is getting bigger. You trying not to raise them around these wild niggas. Beavis when a gold nigga got your seat in a manicure hand out like, pay me nigga. Ha. Oh, I'm telling your wife for starting up some foul rumor that to ruin your life. Beavers when the gangster ain't doing it right. And other gangsters undecided what to do with his life. Niggas doing a mic. Beef is what George Bush would do in a fight. Beef is Miss Wallace, still don't know who shot Biggie. And beef is well done, Irv not being here with me. When a soldier ends his life with his own gun, beef is trying to figure out what to tell his son. Beef is oil prices and geopolitics. Beef is Iraq, the West Bank, and Gaza Strip. Some beef is big and some beef is small, but charcoal beef is not beef at all. No, beef is real life happening every day, and it's realer than them songs that you gave to K-Slay. Bruxelles. Yes, c'était notre coup de cœur, Arbatax. Hein. Exact. Exactement. Exact. Ça s'appelle. Parle-nous un peu de ce morceau. Ouais, ça s'appelle. Attends, je vais baisser un peu la fille qui crie derrière là. Mmh. Arrête, arrête de me toucher. Ça s'appelle Mos Dub. C'est un mec qui s'appelle Max Tannon et qui a en fait remixé des morceaux de Mos Def en avec aussi des bons vieux roots, des bons vieux classiques reggae des roots. Bombies. Et voilà, vous cherchez sur internet, vous allez trouver, vous tapez Mos Dub, M-O-S-D-U-B. Le mec s'appelle Max Tannon. Le titre qu'on vient de s'écouter, c'était Johnny to Beef. Yes. Tu veux me mettre une petite Beef? Johnny to Beef. Et Johnny to Beef, c'est le mix de deux morceaux alors. Ouais, la contraction de Johnny Bad de The Slickers et le morceau de Mos Def qui a été mashupé, qui a été. Voilà. Un morceau trituré qui avec qui s'appelle Beef et voilà de Mos Def. Les deux ça donne Johnny to Beef de Mos Dub. Yes. Mais je vais pas m'attarder plus là-dessus parce que figure-toi que mon réveil sonne. À moins que ce soit mon canard. Il est 18h30 ah et oui. 15 secondes. Donc, c'est l'heure de l'agenda L'agenda culturel. L'agenda culturel. Très bien. Et c'est le tien, c'est ton agenda, vas-y. Ok, donc j'y vais ma poule. Bon, pas très content de mon agenda cette semaine, j'annonce direct. Oh putain, je sens que la boîte mail va être remplie encore. Les mauvaises langues vont pouvoir encore se lâcher cette semaine. Bon, j'annonce déjà. Là, effectivement, on va pouvoir se lâcher. Là. Attends, parce que là, je fais une petite transition avec mon agenda culturel de la semaine dernière, donc un peu de professionnalisme pour commencer. Ce soir, mardi 18 mai, au Lézard Urbain, il y a une rencontre sur le thème le graphe et le street art dans les livres. Donc, c'est les Lézards Urbains qui organisent ça, en prolongation de ce que je vous avais parlé la semaine dernière du festival Cosmopolite Art Tour sur le graphe. Qui s'est terminé le week-end dernier, les Arts Urbains prolongent cet événement et invitent plusieurs auteurs ce soir qui ont consacré des livres sur le graphe à Bruxelles. Y en a notamment un qui sort en ce moment sur les graphes de la station, je ne sais plus quelle station de métro, où il y a plein de graphes là-bas en montant sur le Ezel, station je ne sais plus. Et donc voilà, c'est une vieille dame de 80 ans, enfin bref, si vous voulez aller là-bas, c'est à 20h, c'est rue de Rome, au-dessus du parvis de Saint-Gilles, les arts urbains et plein d'auteurs seront là-bas. Rue de la Victoire plutôt, non vers, les arts urbains, c'est rue de la Victoire. Rue de Rome, c'est quoi? C'est à côté aussi de toute façon, non? Oui, c'est à côté, mais bon, c'est comme dire c'est à Paris alors que c'est à Bruxelles. Et c'est est-ce à côté. Que la maison du livre, ça dit quelque chose? Bah, tu sais bien que je ne sais pas lire, donc non. Bon. Non, mais écoutez, moi j'ai vu adresse rue de Rome, mais de toute façon c'est à côté de la rue de la Victoire. Donc c'est au Lézard Urbain, pointez-vous là-bas ce soir si ça vous intéresse. C'est là que mon agenda culturel se barre en sucette, puisque je vous annonce, disons, vendredi, un petit clin d'œil pour nos potes du Havre. Medine sera à Bruxelles, à l'Abbé, dans la petite salle, là, le club de l'ancienne Belgique. Il sera là avec tout le collectif Label Dean Records. Ça consiste dans les mecs qui s'appellent Brave, Tiers-Monde, Colo, Kobo, je ne sais plus, Cob, peu importe. Bref, petit clin d'œil aux mecs du Havre. Ça te coûtera 24€ en pré-vente, 26€ sur place pour aller voir Medine à l'Abbé. Le même soir, juste à côté de l'Abbé, si tu n'aimes pas trop le rap français et Medine. Effectivement. Et ben tu te rendras donc au Bonnefeuille, ah. Rue des Pierres, entre la Bourse et l'Abbé. Entre la Bourse ah oui, et l'Abbé. Ça le fait, ouais. Ça le fait. Donc c'est gratos, c'est un concert en live. Putain, le mec s'appelle. le mec s'appelle. Tom Waite, j'ai même pas noté le nom, c'est pour te dire. Mec, j'étais dans le bus, quoi. Yes. C'est une musique indie, roots. Le mec, soit il joue de la guitare, soit il joue du piano. Et pour accompagner sa voix, qui ressemble un peu à la voix de Bill Withers. Donc c'est un peu planant, ce sera au Bonnefeuille à 20h, je répète, vendredi 21. La voix qui ressemble à Bill Withers. Oui. Et on peut m'en dire plus sur Bill Withers? Bill Withers, un mec qui chantait de la soul. Un peu comme Just Two of Us, tu vois un peu ce délire-là. Ah bah, beaucoup mieux. Just Two of Us. Bon, à l'époque, là, tu vois, bref, Bill Withers, quoi. Ok. Ensuite, pour finir, dimanche, avec toute la petite famille, faut aller à la fête du port. Ouais, bon, là, je suis pas convaincu par celui-là, mais c'est vraiment parce que j'avais rien d'autre. Donc, ça se passe soit au quai de Mbeek, soit au quai Beko. Donc au nord de Bruxelles, la fête du port, il y aura des vieux gréments, il y aura des cochons. Groupes de musique, enfin genre des chorales de marins, etc. Des cochons, je vois. Des cochons. Fête du port. Voilà. BJ Tortoli. Est-ce qu'on mangera des merguez? Il y aura la fanfare, les fanfoireux qui bien. Seront là. Ça un petit peu comme ça, en train de se balader tout au long de la journée, tout au long du dimanche. Et puis le soir, après 19h, quand toutes les petites familles seront parties, il restera les pique-niques électroniques qu'ils ont rebaptisé pique-niques aquatiques pour ce soir-là. Trop marrant les gars. Et donc ça durera les pique-niques aquatiques jusqu'à 22h. Renseignez-vous sur fêtesduport.be. C'est organisé par la ville de Bruxelles. Voilà, c'est gentil, c'est pour aller se reposer après un samedi soir peut-être excité. Sûrement. Si Tortoli, tu nous annonces des grosses soirées pour samedi, je ne sais pas. Bah, attends de voir mon agenda culturel. J'attends. Je sais que t'es impatient, mais chaque chose en son temps, mon petit Arbatax. Donc, le temps de te préparer, on va se balancer un petit Semor, un petit Seu George. Oui. Do Brasil, le morceau s'appelle Tiverazão, je le dis très mal. Tiverazão. Il est issu de l'album. Traduit as I was right en anglais. Issu de l'album, je te laisse le dire, moi je cale le cru. Son. Cru. Je te le dis tout cru, c'est cru. Voilà, tout de suite, c'est où George Tiverazão. C'est calé, à tout de suite. Oh yo yo. Posso falar? quel legal, não pegou bem. Que vontade de chorar, dói. Em pensar, ela não vem, só dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar. O crime é de partida, vou dar sequência na vida. De bobeira que eu não estou, e você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. Demorou, vai ser melhor. Tive razão, posso falar. Não foi legal, não pegou bem. Que vontade de chorar, dói. Em pensar, ela não vem, só dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou voar. O clima é de partida, vou dar sequência na minha vida. E de bobeira que eu não estou, e você sabe como é que é. Eu vou, poderei voltar quando você quiser. Demorou, vai ser melhor. Que vontade de chorar, dói, oh dói. Em pensar, ela não vem, só dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou voar. Crime de partida, vou na sequência na minha vida. De bobeira que eu estou, e você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. Demorou, vai ser melhor. De retour, il est 18h38, vous êtes sur Radio Panique 105.4 les amis. Welcome, ce son. Welcome again. Il est 18h40 presque, hein, non? J'ai dit 38, 39, peut-être pardon. 40, réglons, synchronisons nos GSM, fieu. À 38 ou à 39? Allez Tortoli, à toi, c'est l'heure de ton agenda. L'agenda culturel. Agenda culturel. Yes. Quelle synchronisation. Ça c'est synchro par contre. Voilà. Yes, on est bien là. Voilà, c'est bon. Ok. Qu'est-ce que je vous propose? Ouais, qu'est-ce que tu proposes? Je peux vous mettre dès maintenant, dès tout de suite, enfin plutôt dès demain matin, étant donné que le lieu ferme à 19h du mercredi au dimanche. Uh-huh. Ce lieu, c'est le Wills. Le Wills, le centre d'art contemporain à Bruxelles, enfin situé à Forêt, un petit peu plus bas que la gare du Midi. Vous trouverez assez facilement. Merci pour ce petit bruit de canard. Canard. Voilà, qu'est-ce que vous allez trouver au Wills? Il y a une présentation d'une sélection des travaux de Charlemagne Palestine. Alors Charlemagne Palestine, Palestine, oui. Qui c'est, me diras-tu? Alors là, je ne sais pas. C'est un artiste aux multiples facettes, à la fois vidéo, son, installation. Je l'avais appris par cœur et j'ai oublié. Exactement. En fait, c'est un des pionniers de l'électro-minimaliste. Il s'appelle Charlemagne Palestine. Charlemagne comme Charlemagne et Palestine comme Cisjordanie. Bien joué. Il s'en est sorti. Yes. Tout juste, mais il s'en est sorti. Donc il y a une rétrospective, même s'il n'est pas vraiment mort. Même pas si du c'est tout. Pas très facile à dire. Même peux... si c'est difficile. On dira plutôt une présentation voilà. de sélection. Une présentation, ou plutôt une sélection des travaux de ce jeune homme. Voilà, c'est ouvert du mercredi au dimanche de 12h à 19h au Wills. Fermé le lundi et le mardi. Ça vous en coûtera 6 euros si vous n'avez aucune justification. 4 euros en tarif réduit oui. et 2 euros en tarif super réduit. Super réduit. Pour les super. Quoi Pour les super. Les gens qui se Les super pauvres. Les gens qui se proclament groupe ou, ou chômeur. Voilà. Voilà. D'accord. Ou groupe de chômeurs. Ça marche aussi. Bon. Voilà, donc allez-y, c'est au Wills. J'ai une autre information. J'espère. J'en ai même plusieurs autres. J'espère bien, parce que là, c'est un peu. C'est un peu léger. Short. Excusez-moi. Aujourd'hui, sachez, messieurs, dames, qu'on a reçu. Enfin, on a reçu. Tout le monde a reçu, j'ai l'impression. La programmation du Festival de Dour qui aura lieu du 15 au 18 juillet. Exactement. Wow. Où ça ? À Dour. Dans le sud de la Belgique. Dans le sud de la Belgique, en direction de du Royaume de France. On pourra y retrouver à la fois Face No More, General Electric, Calvin Harris, Chapelier Fou, Otto von Schirach, Dan Le Sac, Scrobius Peep, il y a également Gentleman, il y a Lee Scratch Perry, ouais. il y a Shali Tuna, le chanteur de Jurassic 5. Uh-huh. Voilà, beaucoup, grosses scènes, Raga Sony, Omar Perry, j'en passe, et des meilleurs. Voilà. Mec. Et t'as quoi d'autre ? Ah, j'ai encore un petit truc. Enfin, j'ai deux gros trucs encore. Le samedi après-midi, si vous savez pas trop quoi faire sur les alentours de... Je sais jamais quoi faire le samedi après-midi. Bah si, voilà, si tu te fais un peu chier et tout, te dis, qu'est-ce que je fais ? Je vais aller accompagner ma copine à faire le shopping. Vas-y, petit 2 là et tout, non, vas-y, ça me saoule. Qu'est-ce que je fais ? Je vais aller voir la Zinoke Parade. Wouah, mais c'est trop bien ça. C'est bien la Zinoke Parade. Ça a l'air bien, ouais. Ouais ? Tu sais ce que c'est ? Non. Alors je vais t'expliquer. Explique-moi. Si tu veux la Zinoke Parade, enfin si tu veux, c'est comme tu veux, tu choisis. Il me plaît, vas-y. Ok. C'est un projet social et artistique qui est mis en place depuis une dizaine d'années. Et là c'est la 6e édition. Oh, ça a l'air un peu chiant comme ça. Non, c'est pas mal, c'est une vraie parade. T'as entendu ce que je pensais ou ouais, je l'ai vraiment dit. J'ai entendu ce que tu pensais, ouais. Désolé. Exactement. Donc je reprends, la Zinoke Parade c'est un projet social et artistique qui propose à chacun, toi ou toi, de développer toi, sa créativité et son imaginaire. D'accord. Ça signifie que cette Zinoke Parade, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail, des ateliers de travaux qui ont été réalisés pour confectionner des costumes. D'accord. Voilà, des fanfares. Autant de mots pour dire que c'est un carnaval, quoi. C'est pas un carnaval, c'est une parade, et bien plus que ça. En plus, le thème de cette année, c'est « À table ». À table, on à table les enfants. À table. Donc vous retrouvez la Zinoke Parade. Mais pourquoi un tel nom, Zinoke ? Zinoke, ça signifie, de mémoire de bruxellois, je vais te le dire, ça signifie Seine en bruxellois. Oui. Tu te souviens la Seine ? C'était la rivière qui contournait Bruxelles. J'ai pas connu. Oui, non. Non. Quel âge as-tu, Arbatax ? Mystère. Envoyez vos mails sur tortelierbatax@gmail.com. Merci. Devinez mon âge. Donc voilà, cette Zinoke Parade, c'est à partir de 15h et c'est dans tout le centre-ville de la Bourse à Grand Place, en passant par la place Roupe, Anessens, j'en passe, aidé. La place Roupe était vide, Nathalie. Merci. Dédicace à toi, Scotax. Scotax. Bah, dis donc, encore des gens qu'on ne. Des private jokes, j'ai l'impression. Non, c'est clair. Ne nous arrêtons pas là-dessus. Ne nous arrêtons pas à la Zinoke Parade parce que le soir, c'est quoi ? C'est. C'est là, on brûle les chars. Pas du tout, non. C'est samedi soir. Saturday Night Fever. Yes. Et là vous aurez l'occasion à la Maison du Peuple. Oui. À Saint-Gilles 1060, à la Maison du Peuple sur le parvis, d'y voir Naive New Beaters. D'y entendre. Ouais, de voir et entendre. Oui, à boire et à manger. À boire et à manger, il y en aura pour tous les goûts. C'est gratuit, messieurs, dames, et c'est à partir de 22h, Naive New Beaters, pour vous faire une petite idée du son qui passe. Et bah les gars, faudra écouter le podcast, parce qu'on vous l'a passé, il y a 3 morceaux il me semble. À peine. Donc, c'était le titre s'appelait Can't Choose, voilà, Naive New Beaters, on vous les présente plus. Ce sont des joyeux lurons parisiens, très, très sympathiques, entre le rock, le hip-hop et le funk, comment on pourrait définir ? C'est hybride ? Ouais, un petit peu tout ça, un petit peu fusion, et ils se font passer pour des Californiens américains. Je n'ai pas encore levé le doute sur s'ils ont vraiment des origines américaines ou si c'est un délire. Lève le petit doute. Voilà. Voilà, ok, voilà. C'est parti, le Guanadu. Le Guanadu. Yes. Bien vu. C'est parti. Qu'est-ce qu'on se met après avoir écouté C'est ou George entre nos deux agendas cul? Bah, on se met bien. On se met bien. On se met Beat Assailant. Pardon? Cet accent? Non, non. Attends, on va pas. À chaque fois que je dis le mot beat, on va faire la blague. Ah, pardon. Beat Assailant, le morceau s'appelle R12, vous l'avez sûrement déjà entendu, puisque il date déjà de 2004, il se situe sur l'album du même nom, R12. Beat Assailant, un rappeur qui nous vient tout droit des US, d'Atlanta, et puis qui s'est installé à Paris en 2001, parce qu'il kiffe la France, il kiffe les Françaises surtout, les Françaises. Et puis c'est donc à Paris qu'il a fait son premier album, R12, 2004. Ce mec a été joliment sponsorisé par Nova qui l'a bien lancé. Mais nous on kiffe, on se remet ce petit morceau, R12, et on se rejoint juste après ça. Nova, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, radio associative de merde. The game is supposed to be. I got the guts of a nigga doing burglaries. Cool like I'm cutting up a surgery. BA for the niggas that ain't heard of me. Put the henny up and put your money down. Scared money gets took, there's more to go around. Fools are shook from when they hit a bass pound. Didn't know BA was getting down with the sound. Money is something that I got to get, so I gotta keep it hot from the intro. Shay came over and she brought the endo, plus two Dutchies she got from the sit-go. Y'all know what time it is. BA ain't really on the violent shit. Just really wanna vibe and shit. Lay back, listen to my rhyme and shit. R12. We're going all out, and we can't fail. So without never being in doubt, this is R12. R12. We're going all out, and we can't fail. So without never being in doubt, this is R12. R12. R12 pay double when you off in the field. Niggas is mad cause rap money's buying my meals. I ain't gotta hate, just stating how I feel. Y'all don't understand the work that it took to get the deal. Better Benny up, the dice is finna roll. Blood flowing through my veins is ice cold. Bet the mother load that you see these whack. Took your shit back, showing disgust with these tracks. Niggas make an album and hang on two songs. Two, that's okay, 10, that's so wrong. Rhyming off beat, the tracks, that's too long. My dirty dozen, they bang like King Kong. This is R12, my ship is coming in. Punk money, stay to the side, it can't win. Put it all down on two dice to spin. When it looks like money, I breaks out the grin. R12. Out a whole 14, I mean. And reload my next magazine, I mean. And wounded them mouths in scheme, I mean. Enough of them a move sideways and lean, I mean. can't come out when man the enemy. We no like them colonial regime, nah me. Ethiopian no like Mussolini, nah mean. Me queen of Iraq and come in, nah mean. And jump on me big trampoline, nah mean. And boost up our self-esteem, nah mean. No for one the home and kitchen so clean, nah mean. And which recipe that a steam, nah mean. The lyrics them a flow like a stream, nah mean. Make you feel like you're living in a dream, nah mean. It come to the crap, man a cream, nah mean. It come to discipline, man a dean, nah mean. Me tougher than a home and limousine, nah mean. We step in, we fresh and we clean, nah mean. I burn the stinkest of green, nah mean. Better listen up careful and keen, nah mean. I poop on as a rock and come in. We celebrate like I finished probation, boy, boy. Not head with no chaser, boy, boy. From the mouth, I can spit out a razor, boy, boy. Open up your facial like your boy Roy in his prime. Eat food, dinner time, junior gong, past the Guinness. Handle business, black velvet, sippers, females never bid us farewell, they with us. Cause we arrive on a scene just like a high beam, nah, I mean. Don't let us have to make the nine scream, nah, I mean. At your racial policing regime, nah, I mean. Spiritual well like an Elohim, nah, I mean. In a casino or a yacht, wherever I'm seen, my brothers and sisters are never forgotten, nah, I mean. Don't wanna hear another soldier drop, nah, I mean. Another dope addict is shot with the morphine, and feds are indicting my block, nah, I mean. They're wearing reds from their shoes to their top, nah, I mean. I'm wishing that all the violence would stop, nah, I mean. When I like this song, I'm sorry, nah, I mean. And some boys soft like ice cream, nah, I mean. From a boy, make the feds intervene, nah, I mean. We send a word, go take him trophy, nah, I mean. Parabellum, them a itch up in a spleen, nah, I mean. In a Queen's gunman reign supreme, nah, I mean. Kingstonians are real blood fiends, nah, I mean. The world is a big crime scene, nah, I mean. Yo, yo, Mr. President. Yo, Mr. President. What you doing for my resident? What you doing with my resident? Yo, Mr. Minister. Mr. Minister. Why you being sinister? Hey. Hey. Yo, yo, Mr. President. Yo, yo, Mr. President. What you doing for my resident? What you doing with my resident? Yo, Mr. Minister. Mr. Minister. Why you being sinister? Some of the real buffalo in a Rastafari regime. Bush bungalow where me dwell with my queen. Trash to the bonung in a camouflage green. Enough of them where can't go the places we've been. Enough of them where can't see the sights where we've seen. That's why them face all a twist up and a lean, I mean. They better mind we kick it off clean, I mean. Man a gangster just like Yamdeen. That mean them can't serve Congo jet quotes up in, I mean. A who you want come in can be, I mean. Attorney of Iraq can come in, I mean. Me pocket them green like Sperling, I mean. Me regular fly out and fly in, I mean. The stadium park like sardine, I mean. Can't guess what speed up as the world need caffeine. Run out of retin antihistamine. Watch over gold them come in like Listerine. You think I lie way better than Al Pacino, I mean. It's genocide, it's a genocide. It's a genocide, it's a genocide. Fifth floor cooking raw, had my own supply. Cause of capitalist ways, that was back in the days. So now I do rap and it pays. C'est un collectif qui vient chez Tortelier Herbatex. Mardi prochain 25. De 18 à 19h sur Radio Panique. Radio Panique 105.4. Et pour les informations, c'est quoi? Les informations, nous? C'est Internet. Internet et pieds poils. Les meufs et pieds poils. Les poils sur Internet. Sur Internet. International sur Internet. Radio Panique. Les pieds poils. Offre valable en magasin, hors coût du SMS, à compter du 25 mai de 18 à 19h, renseignement au 362. Yes. Merci les gars. Ça c'était une petite, un petit jingle, un petit jogging comme ils disent, du collectif Fume ta moustache, qui nous rendra visite mardi prochain. Yes, mardi prochain, mais je vais pas te laisser sans musique, excuse-moi. Ah. Tiens, augmente-moi un peu ça, augmente-moi un peu ça, Tortoni. Yeah. T'es bien là, hein. Ouh. Bon alors cette émission de la semaine prochaine, mardi 25, la loupez pas, elle va être énorme. Il y aura sûrement du live, il y aura plein de surprises, il y aura, ça sera un peu à la hauteur de... Non, ça sera plus haut. Plus haut, que, plus haut. Que ce teaser, que ce petit jogging. On va faire mieux, même si c'était déjà très haut. Et ça inaugurera une fin de saison pour Tortelier à Batax en beauté. Une troisième mi-temps de calibre. Un tour d'honneur, ça sera un tour d'honneur ce mois de juin. Une raid d'honneur. Voilà, on aura 3-4 émissions qui suivront derrière ça, on vous prépare des spéciales. Et donc les loupez pas, on va se finir ça en beauté, on va se finir la saison, l'année en beauté. Très bien, mais avant ça, l'émission n'est pas finie mon cher Arbaton. Non, il nous reste 5 minutes, peut-être de quoi balancer deux morceaux. Voilà, dont le classique. On a sélectionné tout de suite Amanda Blanc, Make It Take It, un petit peu électro qui va nous faire augmenter le rythme cardiaque, les pulsations. Parce que juste avant, on vient de s'écouter le Nas et Damian Marley, une espèce de tuerie qui est sortie, il me semble, qui est sortie, je pense, le 18 mai. Ouais. L'album, ça s'appelle Distant Relatives. Ok, très bien. Voilà. Nas l'acheter. Et Damian Marley qui seront à Couleur Café. On le répète. Ce morceau s'appelait Namin, c'était un des plus hip-hop de l'album. L'album est franchement terrible. On peut le dire. Exactement. Donc on va pas s'attarder là-dessus et on va balancer un petit. Et on balance Amanda Blanc. Amanda Blanc, mais comme sus mentionné auparavant. Voilà, sus mentionné. Yes, c'est la fin de cette émission. Tortelier Arbatax, vous nous retrouvez tous les mardis 18h-19h sur Radio Panique. En direct et de bonne humeur. Toujours de bonne humeur. Pour plus d'infos, rendez-vous sur Facebook Tortelier et Arbatax. Sur la page Radio Panique de Tortelier et Arbatax. Radio Panique, exact. Et vous pouvez également nous écrire où ça, mon petit Arbatax ? Tortelier et Arbatax @gmail.com. Voilà, ça nous a fait plaisir de passer une heure avec vous. Plus que plaisir. Plus que plaisir, il n'y aura pas de classique cette semaine parce que on va pas déborder. Parce qu'on a pas, on va pas déborder, non. Sinon ça ferait déborder le vase. Le vase. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour une spéciale. Très bien, mieux qu'un classique, une spéciale. Merci Arbatax, c'était un plaisir d'évoluer en ta compagnie. Bonne soirée sur Radio Panique, ciao. Au revoir.